L'intelligence artificielle incontrôlée, une arme qui pourrait détruire l'humanité. Écoutez. L'intelligence artificielle, premier risque d'extinction de l'humanité. Après ces aspects somme toute positifs, beaucoup de scientifiques s'interrogent sur les bienfaits et surtout les limites de l'intelligence artificielle. Ainsi, une équipe de scientifiques du Future of Humanity Institute et de la Fondation des enjeux mondiaux de l'Université d'Oxford a déterminé les différents scénarios qui pourraient entraîner une extinction de l'humanité. 12 événements apocalyptiques amèneraient la fin de toute vie sur Terre. Pour eux, la grande majorité de ces causes pourraient être contrôlées par l'homme, comme c'est le cas pour le réchauffement climatique ou encore la guerre nucléaire. Ce ne sera pas évident s'agissant de l'intelligence artificielle qui peut échapper au contrôle humain. Parmi les autres causes possibles d'extinction de l'humanité, on peut retrouver une immense pandémie, l'éruption d'un supervolcan, la collision de la Terre avec un astéroïde géant, ou encore un effondrement simultané de tous les fondements de notre société dû à de mauvaises politiques locales. Nous voilà prévenus. Au lendemain d'une lettre ouverte de la communauté scientifique internationale, recueillant les signatures de grands noms du secteur comme Elon Musk, fondateur de Tesla et Space10, ou Jahan Talin, cofondateur de Skip, l'analyse de l'équipe d'Oxford conforte un point crucial: il est indispensable de développer l'intelligence artificielle avec précaution et dans une démarche positive pour l'humanité. Car si, selon les chercheurs, l'élaboration de machines toujours plus intelligentes pourrait mener l'humanité à sa perte, dans un scénario très proche de celui de la trilogie Matrix, il est également avéré que cette même intelligence artificielle pourrait être l'outil le plus adéquat pour empêcher les autres possibilités d'apocalypse imaginées par les scientifiques. Intelligence artificielle, pourquoi avoir peur ? Les progrès de l'intelligence artificielle menacent la survie de l'espèce. C'est en tout cas les avis autorisés de Bill Gates, Stephen Hawking et Elon Musk. Quel est le point commun entre Stephen Hawking, Bill Gates et Elon Musk ? Le scientifique, le cofondateur de Microsoft, et celui de Tesla et SpaceX pensent que l'intelligence artificielle constitue une menace pour l'humanité. Je ne comprends pas, dit Bill Gates, pourquoi les gens ne sont pas inquiets. Je suis de ceux qui s'inquiètent de la super-intelligence. Dans un premier temps, les machines accompliront de nombreuses tâches à notre place et ne seront pas super-intelligentes. Cela devrait être positif si nous gérons ça bien. Plusieurs décennies plus tard cependant, l'intelligence sera suffisamment puissante pour poser des problèmes. Je suis d'accord avec Elon Musk et d'autres, et je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas inquiets. Elon Musk joue depuis quelque temps le rôle du Cassandre de l'intelligence artificielle. Je pense que nous devrions être très prudents. Si je devais deviner ce qui représente la plus grande menace pour notre existence, je dirais probablement l'intelligence artificielle. Je suis de plus en plus enclin à penser qu'il devrait y avoir une régulation, à un niveau national ou international, simplement pour être sûr que nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de stupide. Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons un démon. Le célèbre physicien Stephen Hawking se montre lui aussi pessimiste. Réussir à créer une intelligence artificielle serait le plus grand événement dans l'histoire de l'homme. Mais ce pourrait aussi être le dernier, prévient-il. Ou encore, l'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de qui la contrôle. Et, à long terme, de savoir si elle peut être tout simplement contrôlée. Mais le plus préoccupant, ce n'est pas cela. C'est la possibilité que la machine se retourne contre l'homme, non parce qu'elle aurait acquis comme par magie une conscience maléfique, mais parce que les capacités de calcul limitées des programmeurs ne peuvent pas éviter l'apparition d'effets pervers. Une super-intelligence artificielle pourrait employer des moyens, logiques mais pervers et dangereux, d'atteindre son but. Ce genre de bug est inévitable, selon Gérard Berry, informaticien et professeur au Collège de France. Dans une interview à Rue 89, il explique « L'homme est incomplet, incapable d'examiner les conséquences de ce qu'il fait. L'ordinateur, au contraire, va implémenter toutes les conséquences de ce qui est écrit. Si jamais, dans la chaîne de conséquences, il y a quelque chose qui ne devrait pas y être, l'homme ne s'en rendra pas compte et l'ordinateur va foncer dedans. C'est ça le bug. L'astrophysicien Stephen Hawking persiste, pour lui, l'intelligence artificielle, IA, est une menace pour le genre humain. L'astrophysicien avait déjà indiqué ses craintes dans une tribune co-signée avec trois autres chercheurs en mai dernier. Interrogé par la BBC, le savant estime que le développement de l'intelligence artificielle pourrait signifier la fin de le genre humain. Cet avertissement venait en réponse à une question sur la technologie qu'il utilise pour communiquer, qui implique une des formes de base de l'intelligence artificielle. Tout en saluant l'utilité de cette nouvelle technologie, le professeur Hawking dit « craindre les conséquences de la création d'un outil qui pourrait égaler ou dépasser les humains ». Ce type de technique pourrait se lancer seul et se reproduire, à une vitesse accélérée. Les humains, limités par la lenteur de leur évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. Face à ces dangers, la communauté scientifique se mobilise. À la suite d'une conférence internationale organisée par l'Institut du futur de l'humanité, le 2 janvier 2015, l'Institut a publié une lettre ouverte pour inciter le monde de la recherche à ne pas se concentrer uniquement sur le développement des capacités de l'intelligence artificielle, mais aussi sur ses bénéfices pour la société et la constitution de garde-fous. Ces technologies sont à l'évidence utiles mais demandent un temps pour accepter de les intégrer dans l'environnement. L'assistance à l'humain dans des tâches répétitives et usantes ou pour accompagner moralement des personnes isolées est positive. La place des robots dans notre vie quotidienne est inéluctable, l'éducation des enfants dès la naissance, les actes de chirurgie, la production des biens de consommation. Il faut cependant faire attention que ces objets vivants ne soient pas amenés à nous échapper en prenant des décisions à notre place. S'agissant de l'immortalité promise dans 30 ans, elle n'aura pas les aspects actuels. Les transhumanistes nous promettent le téléchargement d'un disque dur de tout ce qui existe dans le cerveau. Bienvenue dans le monde d'Orwell où les bien-nés, les riches et les puissants resteront immortels. Les autres resteront esclaves et serviront continuellement de variables d'ajustement. Ainsi ira le monde que nous promet une science prométhéenne à moins d'une prise des consciences universelles où l'égoïsme fait place à l'empathie d'autant plus nécessaire que nous sommes embarqués sur le même vaisseau. À trop jouer avec le feu, on risque de perdre ce qui est notre patrimoine le plus précieux, notre humanité. Source. https://edf.com/fr/les-objets-points.source=futura-science-utemba-medium=emaïn-utemba-campaign=expert-edin 2 https://edf.com/fr 3 https://edf.com/fr 4 https://edf.com/fr 5 fandlou http://fandlou.centerblow.net 14 septembre 2014 6 http://www.agoravox.fr/actualite/technologie/article 7 http://delimai.co.uk/science-article-295347/8 jeudi 19 février 2015 8 Raphaël Carayan 2 février 2015 http://l'express.fr/i-tech 9 Catherine Bouet c'est 2 décembre 2014 http://www.l'express.fr/actualite/sc. Numéro Zokirde 9Z0T5 JTCAG 99 890 Une arme qui pourrait détruire l'humanité HTML. professeur Chemeddine Kitour, École Polytechnique Alger. Vous êtes bien sur Radio Parasite. À bientôt. Et grosse bise numérique.